prends pas pour elle, ouf, je te le dis au passage. Elle est tarpin sale, faut un gros rinçage. Chouffe la chute de rêve, elle fait des gros cassages. Calé au nouveau hôtel en Tunisie à Carthage. J'suis tarpin stylé, j'fais des disques Dior. J'fume la beupilée dans l'audi Faradjod. J'suis en fin de peine, là je dois encore. Elle faisait de la peine, on s'est pas mis d'accord. Vais te l'habiller tout en Margiela. Elle c'est ma bella, destination de rêve, parle pas de Marbella. Elle c'est ma bella, je vais te l'habiller tout en Margiela. J'en ai marre de là, destination de rêve, parle pas de Marbella. Rien qu'elle fait des appels, je suis numéro uno, Spotify et Apple. Je sais pas si tu t'en rappelles, elle était au showcase, j'ai mémorisé sa gueule. C'est la casa del papel, on a braqué le game, il fallait du papier. Je sais pas si tu t'en rappelles, elle était au showcase, j'ai mémorisé sa gueule. Zubruska, vani, vani, yeah. T'es d'amnésia, là j'suis qui est. Que des condés, des condamnés. Marseille en V, on a brillé. Charbon de mars, ça fait briller. Comme Egon et ton grillé. 12 culs de juin dans le cendrier. Je l'ai pas vidé, ma mère m'a grillé. Nique sa mère la police, j'me taille en RS. Si j'me crois à Napoli, la vie c'est pas ma. J'suis combattant, j'sais que j'suis trop pété, j'ai raté le battant. On la connaît, tu t'es fait les ligaments. Dans deux heures, j'ai rendez-vous un matin. On prend Uber, des TGV, des avions. Elle c'est ma bella, j'vais te l'habiller tout en Margiela. Elle c'est ma bella, destination de rêve, parle pas de Marbella. Elle c'est ma bella, j'vais te l'habiller tout en Margiela. J'en ai marre de là, destination de rêve, parle pas de Marbella.